Le poignard et le verre d'eau par Astolphe Custine. Vous savez l'événement qui vient d'arriver à Oxford? Non. Quoi? Vous ne connaissez pas l'histoire du poignard et du verre d'eau? Elle est dans tous les journaux. Nous ne lisons pas les gazettes anglaises. Racontez-nous-la, colonel, dit madame de Fresnes. Monsieur d'Orthez me méprisera. Moi, monsieur, du m'en préserve. Mais je suis effrayé de la direction des esprits de ce siècle. Voici le fait qui vient de se passer à Oxford et de donner lieu à des poursuites judiciaires auxquelles l'accusée s'est soustraite par la fuite. On assure qu'elle parvenait à envoûter quelqu'un. C'est le terme cabalistique, et c'est ce crime que de juger un jury du royaume de la Grande-Bretagne, de ce pays éclairé par excellence. C'est révoltant, s'écrie M. d'Orthez. Écoutez le colonel, dit Mme de Fresnes. Alors le colonel prit la parole avec un certain air de suffisance qui ne lui allait pas mal, parce que la suffisance était surnaturelle. « Je suis lié intimement, dit-il, avec la famille du jeune homme qui figure dans ce récit. Je le connais lui-même, mais comme leur nom n'a pas été divulgué, je me crois obligé de ne pas vous le dire. « N'importe, répliqua Madame de Fresnes. Depuis plusieurs années, l'Angleterre s'occupe d'une bohémienne devenue fameuse par le succès de ses prédictions. On la voyait dans tous les lieux publics, surtout aux courses d'Epsom et d'Ascot. Son nom est Naté. « Ah, mon Dieu, c'est la mienne !» s'écriait-elle. « Elle est à Paris, » réplique le colonel. « À Paris, elle me l'avait prédit. » Un jeune étudiant, resté à l'université, quoique confus au temps des vacances, se promenait le soir aux environs d'Oxford. Il suivait, triste et seul, un chemin qu'il ne connaissait pas, lorsqu'un violent orage le surprit. Il entre pour s'abriter dans une petite chaumière bâtie comme provisoirement, en terre et en branchage et protégée par un vieux chêne. Cette hutte, assez semblable à une loge de charbonnier ou à une tente de bohémien, servait de refuge à plusieurs hommes de mauvaise mine qui se trouvaient là, ainsi qu'une femme qu'on traitait comme la maîtresse du lieu. Elle vendait de l'eau-de-vie de genièvre et de la bière. Transi, mouillé, il demanda quelque chose à boire et s'assit sur un escabeau. La conversation des inconnus continua malgré l'arrivée du jeune homme. Le sujet lui en parut intéressant et les détails l'étonnèrent. Elle portait sur les sens occultes, sur la force accordée à certains hommes qui disposent à leur gré des puissants de la nature. L'étudiant, plein de confiance dans son jugement, ne put s'empêcher de se mêler de la conversation et de réfuter victorieusement, selon lui, les arguments de ses adversaires. Il prétendait que la croyance au pouvoir merveilleux de certains individus est un héritage des siècles d'ignorance, qu'autrefois la physique était un mystère, mais qu'à présent, le mystère étant à découvert, la science avait pour jamais chassé la sorcellerie. Enfin, il parlait comme M. d'Orthez, si ce n'est aussi bien, au moins dans le même sens. La discussion se prolongea et finit comme toutes les discussions, en fortifiant chacun des champions dans sa manière de penser. L'orage était dissipé, les gens qui buvaient et discutaient avaient disparu peu à peu, et par une nuit fort noire, l'étudiant se disposa à reprendre le chemin de la ville lorsque la femme restée seule avec lui s'approcha. « Vous m'intéressez, » lui dit-elle, « vous êtes jeune, éloquent, vous êtes surtout de bonne foi. Que diriez-vous si dès ce soir je vous prouvais votre erreur ?»« Je dirais, je n'irai rien, car quelque chose que vous me fassiez voir, je ne croirais qu'à ce que je comprendrais. Le reste sera l'effet de quelque illusion, d'un prestige que j'attribuerais à votre habileté, sans que vous puissiez me faire convenir qu'il existe des hommes capables de diriger l'ordre immuable des choses. » La femme fixa sur lui un regard pénétrant et dont le sérieux était presque effrayant. « Êtes-vous brave ? » lui dit-elle. « Pourquoi cette question ? Êtes-vous brave, comme tout homme d'honneur ? Plus brave que le commun des hommes, je l'espère. Eh bien, suivez-moi, mais non, vous n'oserez pas. « J'oserai, si vous me donnez votre parole de bohémienne, de gypsy, car je vois que vous êtes une bohémienne, de ne pas m'attirer dans un guet-apens. Je vous donne ma parole de gypsy de ne vous mettre en rapport qu'avec des puissances naturelles. » L'étudiant, tourmenté d'une invincible curiosité, piqué d'ailleurs au jeu par un amour-propre naturel à tout homme de son âge, promit de suivre la bohémienne et de se soumettre aux épreuves qu'elle voudrait lui faire subir. Elle passa devant lui en disant « Suivez-moi donc. » Puis s'arrêtant à la porte, elle ajouta « Buvez encore. » « Je n'ai plus soif. N'importe, il vous faut des forces. » Il but ce qu'elle lui présenta. Ils marchèrent tous deux en silence vers la ville, guidés par des éclairs lointains qui, de moment en moment, illuminaient le paysage. En approchant d'Oxford, ils suivirent des sentiers tortueux. Puis ils longèrent pendant quelques instants une muraille noire à demi ruinée. La femme s'arrête au bout d'un vieux pont jeté sur un ruisseau et presque entièrement caché par des lierres antiques montant jusqu'au sommet d'énormes sureaux. C'est ce que le jeune homme aperçut à la lueur d'un dernier éclair. La sibylle traverse le pont. Une poterne est au bout. La clé qui pend à la ceinture de cette femme ouvre la poterne. L'aigon crie, l'oiseau de nuit s'envole. L'étudiant et l'inconnu se trouvent dans une cour intérieure, tout entourée de décombres. « Où suis-je ? » dit le jeune homme. « Dans le collège de X. »« Je connais ce collège. J'y suis venu souvent entendre des professeurs. Je n'ai jamais vu ces ruines. »« C'est la partie la plus ancienne de l'édifice. Elle est cachée par d'autres corps de bâtiments et entièrement abandonnée. Vous n'y avez jamais pénétré. » Le jeune homme se tut et il continua de suivre la bohémienne. Des pans de murs à demi écroulés perçaient d'étroites ogives, des tourelles crénelées, l'étonnent par leur masse. Il aperçoit une lumière à travers la fenêtre gothique pratiquée dans la partie la plus élevée de l'édifice. Tout à coup, on le fait entrer sous une voûte étroite et basse. Un passage souterrain s'ouvre devant lui. « Ce jeune homme est tout simplement un imbécile, » dit M. d'Orthez, en interrompant malgré lui le colonel. Quel autre que cet insensé aurait jamais suivi une femme inconnue, suspecte, dans un lieu pareil ? Moi, s'écriait-elle, moi, je l'aurais suivi au bout du monde. Continuez, dit Madame de Fresnes, dont l'imagination, toujours jeune, était captivée par le début de l'histoire. La bohémienne allume une lanterne sourde qu'elle trouve dans un creux de la muraille, et tous deux continuent leur marche silencieuse à travers un humide et profond labyrinthe. Ils parviennent au bas d'un escalier tournant et commencent à monter. Ils montent longtemps, ensemble, sur des degrés usés, poudreux, obstrués de plâtras. Souvent, ils trouvent des marches à demi rompues. Quelquefois, il en manque une, il faut escalader le vide. Des pierres et des débris formés de ciment, de mortier, roulent sous leurs pieds et font résonner les voûtes profondes. Enfin, après une longue et pénible ascension, le jeune homme essoufflé atteint le sommet de l'escalier. Un étroit palier et une porte basse le conduisent dans une vaste salle voûtée. Il entre, la porte se referme derrière lui. Une lampe sépulcrale brûle au milieu de cette chambre. Une table ronde est placée sous la lampe. Un trou plus large que la tête d'un homme se voit au milieu de cette table qui est recouverte d'un vieux cuir imprimé dont le centre est percé et dont les pans tombent à terre autour de l'ouverture qu'on vient de décrire. À côté de ce trou, on aperçoit une coupe remplie d'eau et un poignard aigu. Des livres ouverts couvrent le reste de la table. Ils sont écrits sur du parchemin, en vieux caractères inintelligibles. L'étudiant, en promenant ses regards autour de cette salle, n'aperçoit aucun autre meuble que la table. Mais les murailles sont garnies d'ustensiles de forme bizarre et dont il ne peut deviner l'usage. Après avoir contemplé toutes ces choses en silence, « Où sommes-nous » dit-il, « et que faisons-nous »« Vous êtes pressé, mon jeune cavalier, » reprit la bohémienne, en jetant sur lui un regard d'une gravité mêlée d'ironie. « Mon impatience est assez naturelle, je pense. »« C'est vrai, vous êtes un brave, et je vous dois la récompense de votre sang-froid. Mettez donc la tête dans ce trou, vous me direz ce que vous y verrez. » Le jeune homme obéit sans répliquer. Un instant après, il se relève et paraît interdit. « Qu'avez-vous vu ?» lui dit la bohémienne. « C'est singulier, » reprit-il, « j'ai vu, mais ce n'est pas possible. »« Eh bien, j'ai vu l'habitation de ma cousine à Londres. Mon frère était dans le salon en habit de noces et prêt à passer dans la chapelle avec sa fiancée. Cette cousine, vous l'aimez ?»« Hélas, oui, mais je suis le cadet de la famille, elle n'a pas voulu de moi, elle épouse mon frère qui est riche. Voilà pourquoi mon père ne m'a pas permis d'aller à Londres aujourd'hui. » « Effectivement, c'est à cet instant même qu'ils devaient se marier. Ils ont choisi la nuit pour éviter les spectateurs. On sait que ce mariage fait mon désespoir et qu'il est désapprouvé par une partie de la famille. » Alors, regardant à sa montre, il poursuit avec agitation, 11h30. Ici, le colonel interrompit un moment ce récit et s'adressant directement à M. d'Orthez. « Vous ignorez peut-être, lui dit-il, qu'il n'est pas rare en Angleterre de se marier chez soi la nuit. » C'est un usage établi parmi les personnes riches. qui obtiennent à cet effet ce que nous appelons une licence spéciale. Maintenant, je reviens à mon histoire. Le jeune étudiant, surpris, continua. « Mais comment savez-vous tout cela ?»« Je ne sais pas, moi. L'esprit le sait. Êtes-vous convaincu maintenant ?»« De quoi ?»« De l'existence d'un pouvoir surnaturel accordé à certains individus ?»« Non, je ne puis croire à la magie. » Mais je ne m'explique pas ce que je viens de voir. Vous êtes bien incrédule, reprit la bohémienne d'un ton sévère et avec un regard toujours plus sombre. Prenez garde, jeune homme. L'opiniâtreté est un mauvais conseiller. On ne fait rien en ce monde, ni en bien ni en mal, avec de l'obstination. Le ciel et l'enfer aiment la soumission. Je ne me soumettrai jamais à ce qui révolte ma raison. Essayons encore. Regardez au même endroit. Le jeune homme passe de nouveau la tête à travers l'ouverture de la table. Il tressaille. « Regardez bien !» lui dit la bohémienne. Un tremblement le saisit. Tous ses membres s'agitent. Enfin, il se retire. Il a le visage décomposé. La sueur froide lui coule du front. On le dirait prêt à s'évanouir. « Eh bien, qu'avez-vous vu ?»« En effet, ils sont mariés. Et mon malheur est sans remède. Maintenant que vous ne pouvez douter de mon pouvoir, suivez au moins le conseil que... Votre pouvoir ? S'écrie le jeune homme, aigri par le désespoir. Votre pouvoir n'est rien, c'est une jonglerie. Comment expliquez-vous donc le hasard qui m'aurait fait deviner tout juste ce qui vous intéressait le plus au monde ? Vous que je n'ai jamais vu. Vous dont le nom n'a pas même été prononcé devant moi. D'où vient que je vous montre ici ce qui occupe votre pensée et ce qui se passe à 60 000 de vous ? Ne voyez-vous pas que je me sers de votre âme pour conducteur et que j'agis sur les esprits comme le vulgaire sur les corps ? Je ne vois rien de tout cela. Si vous n'avez pas autre chose à me montrer, laissez-moi me retirer pour pleurer en liberté. Je ne suis point d'humeur à m'instruire en ce moment. Tant pis pour vous, repartit la bohémienne. Vous serez éclairé malgré vous. Maintenant, je le veux. Je vous défie d'ébranler ma conviction, reprit le jeune homme. Je ne puis m'expliquer ce que je vois. Mais le hasard s'explique-t-il ? Je vous prouverai bien, poursuivit la pythonisse, que je puis à mon gré intervertir l'ordre naturel des choses. Son regard avait une expression sinistre, tous ses traits étaient contractés, sa bouche écumait, ses lèvres tremblaient. Elle s'approche de la coupe, prend le poignard et trace quelques signes au-dessus de l'eau. Je n'ai plus que ce moyen de vous persuader, continua-t-elle en se rapprochant du jeune homme, d'un air toujours plus sombre. « Mais je dois vous avertir de la gravité de l'épreuve. Elle est terrible. On ne joue pas avec les forces surnaturelles. Cette épreuve est terrible, vous dis-je. » La physionomie de la magicienne devenait effrayante. Sa voix sépulcrale, son regard étincelant. « Cette épreuve consiste à frapper fortement de la pointe du poignard l'eau contenue dans le vase que vous voyez sur la table. Pourrez-vous donner ce coup sans trembler ? Aurez-vous ce courage ? Pourquoi ne l'aurais-je pas ? Ce ne sera ni le premier ni le dernier coup d'épée dans l'eau que j'aurai donné. Vous vous repentirez toute votre vie de cette plaisanterie. Frappez donc et reconnaissez la puissance de... » Le jeune homme frappe. Un cri aigu se fait entendre. C'est une voix d'homme. L'étudiant y répond par un gémissement. J'ai senti de la chair au fond du vase, s'écrie-t-il avec horreur et en lançant loin de lui le poignard. Il jette un regard sur la coupe. Elle est remplie de sang. Il s'évanouit. Le malheureux ignore le temps qu'a duré cet état. En revenant à lui, il se trouve accouché dans une rue d'Oxford, assez voisine de sa maison. Dans sa stupeur, à peine pouvait-il croire à ce qu'il avait vu, à ce qu'il avait fait. « Quel rêve affreux !» se dit-il. Il chercha les ruines, il ne put les retrouver. Il tâcha de retourner au pont, au sentier extérieur, tout avait disparu. Non seulement il crut avoir rêvé, mais il lui sembla qu'il rêvait encore. Sa tête était vide, ses idées se troublaient. Il rentra chez lui au point du jour, effrayé de ce qu'il sentait, et se coucha en se disant « Je vais devenir fou. Je le suis déjà, peut-être. » Il dormit jusqu'à midi, mais il se trouva si fatigué en se réveillant qu'il ne put se lever. Dans l'après-midi, on lui remit une lettre. Elle était de son père et contenait à peu près ces mots. Un événement inexplicable vient de répandre la consternation dans notre famille. Hier au soir, à 11h15, le mariage de votre frère a eu lieu dans le salon de votre tante qu'on avait arrangé en chapelle. À peine la cérémonie fut-elle terminée que les deux époux nous quittèrent pour monter en voiture. Ils devaient se rendre ensemble, comme vous le savez, à leur château de X. Votre belle-sœur, que nous reconduisions en famille jusqu'à la porte de la maison, s'élança dans la voiture après m'avoir embrassé. Son mari la suivait. Il s'approchait du marchepied lorsqu'un cri déchirant nous remplit d'épouvante. Je me précipite hors de la maison, je traverse le trottoir. Jugez de mon saisissement en voyant notre frère étendu sur le pavé. « Qu'est-il donc arrivé ? » m'écriai-je. Personne ne peut me répondre, tous s'empressent de le relever. On croit que l'émotion du moment lui a causé un évanouissement dont il va se remettre. Mais en l'examinant de près, je vois ses habits teints de sang. Il était frappé au cœur. Personne n'a vu l'arme qui l'a tué, ni la main qui a porté le coup. Il était minuit. Voilà, mon fils, l'issue de ce mariage, formé sous de bien tristes auspices. Cependant, qui pouvait prévoir une catastrophe aussi tragique? Toutes les recherches ont été vaines pour découvrir l'auteur du crime. Revenez-nous aussitôt que vous recevrez cette lettre. Je n'ai plus, hélas, aucun motif pour vous tenir éloigné de ma maison et vos sœurs, dont le désespoir fait pitié, ont besoin de votre présence. Votre cousine, qui est maintenant votre belle-sœur, loge chez moi. Sa douleur est plus calme que celle des autres. Elle seule a conservé quelque présence d'esprit. Venez, je vous attends aujourd'hui même. Tout le monde vous demande ici. Vous êtes maintenant l'aîné de la famille. Je vous embrasse, le cœur navré. En recevant cette étonnante lettre, le malheureux étudiant se lève avec la force de la fièvre. Il court chez un magistrat. Il raconte, dans le plus grand détail, tout ce que vous venez d'entendre. Malgré la bizarrerie de sa déposition, il se fait écouter attentivement. Mais il ne peut donner de renseignements précis sur la femme dont la rafernale paraît avoir troublé sa raison. Pourtant, il croit se rappeler qu'il l'a vue ailleurs. Il ne l'avait pas reconnue d'abord, mais de souvenir, il pense que ce pourrait être Nathée, la fameuse bohémienne qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant aux courses d'Ascot. « Le même jour que moi ! » s'écriait-elle hors d'elle-même. « Et que moi ? » poursuit le colonel. « Mais ni vous ni moi, madame, nous n'avons payé cette rencontre aussi chère que le jeune étudiant. »« Qui sait ? » dit tout bas Ethel en baissant la tête. Le colonel termine ainsi son histoire. On a fait des recherches, mais quand les gens de la police vinrent pour cerner le repère de cette Nathée, elle avait fui. Le Maurice répondit qu'elle était partie pour Paris. Ainsi s'achève Le poignard et le verre d'eau par Astolphe Custine.